En français. Les trois tisserandes. Il était une fois une tisserande qui vivait dans un minuscule hameau avec sa fille Nora. Alors que la femme filait la laine toute la journée, Nora ne l'aidait pas. Nora détestait le son du rouet, mais elle adorait peindre. Sa mère considérait que la peinture était une perte de temps. Nora, Nora, ma chérie, que fais-tu? Viens m'aider à filer la laine. Juste une minute, maman. Je finis d'abord ma peinture, d'accord? Combien de fois je t'ai dit que la peinture était une perte de temps? Tu n'as vraiment pas de compassion pour moi. Je tisse toute la journée pour qu'on puisse gagner un peu d'argent. Et toi, tu perds ton temps comme ça, non mais... Mais maman, je peins pour notre propriétaire. Il a dit qu'il me donnerait une belle somme pour ça. Et après, hein? Tu pourrais bien vendre une ou deux peintures à des gens riches. Mais combien de riches y a-t-il vraiment dans notre royaume? Par contre, tout le monde a besoin de vêtements, donc plein de gens nous achèteront du tissu. Alors utilise ton temps pour tisser. Allez, viens maintenant! Ceci était une scène quasi quotidienne. Nora s'asseyait pour peindre et sa mère l'en empêchait. Un jour, sa mère se mit tellement en colère qu'elle jeta tous les pinceaux et toutes les couleurs de Nora. Nora alla pleurer dans le jardin. Et juste à ce moment précis, la reine passa par là. Lorsqu'elle vit Nora pleurer, elle demanda à faire arrêter son carrosse devant la maison de la femme tisserande. Voiturier, stop! Arrête de pleurer maintenant! Oh, est-ce que c'est son Altesse la reine elle-même? Bonjour, votre majesté! Bonjour, madame! Est-ce que c'est votre fille? Oh, oui! Bonjour, votre Altesse! Bonjour! Que tu es magnifique! Merci, votre Altesse! Pourquoi pleurait-elle comme ça? Que se passe-t-il? Que dire, votre majesté? Ma fille travaille dur, elle adore tourner le rouet et tisser. Je n'arrête pas de lui dire de se reposer, mais elle ne m'écoute jamais. Maman? Quand je l'ai forcée à faire une pause, elle s'est mise à pleurer. Je suis une femme pauvre, votre Altesse. Où puis-je trouver assez de fils pour lui permettre d'enrouler assez de pelotes pour la satisfaire? Je suis vraiment impressionnée de voir que les jeunes de mon royaume s'impliquent dans l'industrie. Pourquoi ne pas me confier votre fille? J'aime le son du rouet et j'ai plus de laine qu'il n'en faut dans mon palais, vous savez. Si elle parvient à tisser l'équivalent de 3 pièces entières de laine, je la marierai à mon fils aîné. Quel grand honneur ce serait pour une pauvre tisserande comme moi, votre Altesse, merci beaucoup. Mais, maman! Oh, ne t'inquiète pas pour moi, ma petite chérie. Je ne suis pas encore si vieille que ça. Je peux prendre soin de moi. Va au palais. Après tout, c'est la reine elle-même qui a proposé de te prendre sous son aile. Alors vas-y, va! Et c'est ainsi que Nora dut suivre la reine dans son palais. La reine amena Nora voir 3 pièces du palais qui étaient remplies du plus beau lin que la jeune fille ait jamais vu. La reine lui dit « Repose-toi aujourd'hui, mais ensuite tu devras filer tout ce lin le plus vite possible. » Oui, votre Altesse. Nora était si impressionnée par la quantité astronomique de lin qu'elle ne sut pas quoi faire. Elle passa la journée entière à simplement contempler tout ce lin. Le lendemain, la reine fut choquée de voir que rien n'avait été fait. Oh, tu n'as pas encore commencé à filer, Nora? Pardonnez-moi, votre majesté, mais ma maison me manque beaucoup. Je n'ai pas réussi à me mettre au travail. Je suis désolée. Oh, je comprends. Ne t'inquiète pas. Prends ton temps. La reine partit, mais Nora était vraiment inquiète. Elle n'avait jamais vraiment appris à filer un lin aussi fin. Et elle détestait le faire. Elle voulut dire la vérité à la reine, qu'elle n'aimait pas tisser. Mais elle appréhendait que la reine veuille peut-être punir sa mère pour avoir menti. Nora fut si submergée par l'angoisse qu'elle se mit à pleurer. Soudain, elle entendit des bruits de pas. Elle vit trois femmes marcher vers elle. Oh, qui êtes-vous? Et d'où venez-vous? Cela n'a pas d'importance qui nous sommes et d'où nous venons. Ce qui compte, c'est que nous sommes venus faire. Et nous sommes là pour t'aider, ma chère, si tu veux bien, bien sûr. M'aider? Comment? On sait que tu n'aimes pas le travail de filage, alors on est venu filer tout le lin pour toi. Tu comprends? Vraiment? Merci beaucoup! Mais comment pourrais-je un jour vous remercier pour votre gentillesse? On veut juste une chose. Non, elle ne voudra pas. On est trop moche, enfin. Comment a-t-on pu seulement l'envisager? Allez, mettons-nous au travail et on s'en va. Mais... Qu'est-ce que c'est? Que voulez-vous? Dites-le-moi! Écoute, si on file tout le lin, peux-tu nous promettre de nous inviter à ton mariage et de nous présenter comme tes tantes auprès des invités royaux? Est-ce que ça te va? Elle ne le fera sûrement pas. Regarde-nous, on a des orteils énormes au bout des pieds. Des yeux qui louchent tellement qu'on voit à peine. Et des lèvres si allongées. Elle ne nous invitera jamais. Et encore moins devant la famille royale. On est trop moche. Tu as raison. Bien sûr que oui. Je vous inviterai. Et qui dit que vous êtes moche? Vous m'aidez au moment où j'en ai le plus besoin. Ça vaut plus que toute la beauté physique du monde, vous savez. Non seulement je vous inviterai, mais en plus vous vous assierez au bout de table, juste à côté du prince et de moi. Oh, pour de vrai? Mais le prince ne se mettra-t-il pas en colère? Il pourrait refuser de t'épouser si tu places en bout de table des femmes aussi moches que nous, tu sais. Si le prince est méchant au point d'insulter la famille chérie de sa future femme, alors je refuserai de l'épouser. Toute notre vie, les gens se sont moqués de nous et on a toujours voulu une seule chose, c'est un peu de respect pour notre dur labeur. Merci, Nora. Maintenant, regarde comment on va filer le lin et en faire les plus belles pelotes que tu aies jamais vues. Ainsi, les trois tisserandes se mirent au travail rouées. Elles travaillèrent toute la nuit. Et au petit matin, elles avaient rempli la majeure partie de la pièce. Quand elles entendirent des bruits de pas, elles disparurent. La reine venait pour voir les progrès réalisés par Nora. Oh mon Dieu, Nora! Comment as-tu réussi à filer autant de lin en une seule nuit, dis-moi? Bonjour, Votre Majesté. Eh bien, je n'avais jamais vu de lin d'aussi bonne qualité de ma vie. Tu as donc travaillé toute la nuit? En vérité, Votre Majesté, on dirait que ce lin s'enroule grâce au roué comme par magie. Tu dois être très fatiguée. Repose-toi un peu. Merci, Votre Altesse, mais je me reposerai une fois que tout sera terminé. Nora n'avait pas menti à la reine, tout en ayant réussi à conserver son secret concernant les trois tisserandes. Quand la reine s'en alla, les femmes revinrent pour reprendre leur travail. Je porterai ma robe de soie rouge pour le banquet royal. Et je porterai la mienne qui est en soie verte. Et je porterai la mienne qui est en soie jaune. Les tisserandes étaient tellement excitées d'être invitées au mariage de Nora et du prince. Elles tournèrent le rouet gaiement et à la fin de la semaine, les trois pièces furent remplies du lin le plus élégant que la reine ait jamais vu. Je n'arrive pas à y croire. C'est tellement beau et je suis si fière. Merci, Votre Majesté. Je suis ravie que quelqu'un comme toi, si travailleuse et si douée, épouse mon fils. Appelle ta mère et finalisons les préparatifs du mariage. Est-ce que tu es d'accord avec ça, dis-moi? Un carrosse fut alors apprêté à la maison de la mère de Nora pour la faire venir au palais. Nora raconta tout à sa mère à propos des Tisserand. Tu n'es quand même pas en train de réellement envisager de les inviter au mariage quand même. Maman, je leur ai promis. Ne sois pas stupide, Nora. Comment la reine et le prince pourront-ils réellement apprécier d'avoir des femmes si moches comme invitées? Maman! Bonjour, votre majesté. Bonjour, madame. Je pense qu'il est temps que nous dressions une liste des invités. Y a-t-il quelqu'un en particulier que vous souhaitez inviter au mariage? Non. Maman, comment peux-tu les oublier? Votre Altesse, j'ai 3 tantes que j'aimerais vraiment inviter. Mais certainement, ma chérie. Je vais envoyer quelqu'un chez elles pour leur donner les invitations. Votre Altesse, je suis très proche de mes tantes. Ce sont elles qui m'ont montré des merveilles avec le roi. Je préférerais les inviter moi-même et les asseoir à mes côtés lors du banquet. Mais bien sûr, Nora, fais comme tu veux. Ainsi, Nora invita les 3 Tisserand aux grandes dames de sa mère. Le jour du banquet, la porte de la grande salle s'ouvrit. Les 3 Tisserand entrèrent habillés en vêtements de soie rouge, vert et jaune. Tout le monde les regarda. Seule Nora se dirigea vers elle avec empressement. Mes tantes préférées, merci d'être venues. Je vais vous présenter à la famille royale. Son Altesse, la reine, Sa Majesté le roi, et voici le prince Édouard. Bonjour, chère tante. Nous avons des sièges réservés pour vous. Merci. Pour tous vos talents, tout votre travail et toute votre aide, c'était la moindre des choses que je pouvais faire. Nora les fit asseoir à table et les laissa pour aller accueillir d'autres invités. À ce moment-là, le prince Édouard s'approcha des Tisserand pour aller leur parler. J'espère vraiment que vous vous amusez bien. Ah, beaucoup, mais j'aimerais pouvoir danser. Hélas, quand on file la laine, on ne peut pas danser. Pourquoi? Regarde mon pied gonflé. C'est ce qui arrive quand on active le rouet. Oh! Et je ne peux pas chanter. Pourquoi? Regarde comment sont devenues mes lèvres à force de lécher le fil. Et moi, j'aimerais pouvoir me tenir debout dans un jardin la nuit et regarder les étoiles, mais je ne peux pas. Mais pourquoi? Tous mes efforts pour voir les fils très fins ont affaibli mes yeux. Cela arrive souvent quand on est tisserand. Oh non! Nora, ma chérie, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'en supplie, n'utilise plus jamais le rouet. Regarde comment ça a rendu tes pauvres tantes. S'il te plaît. Mais... Fais n'importe quoi d'autre qui te plaira, ma chérie. Mais plus de rouet. Ah, en fait, je n'aime pas vraiment le rouet, tu sais. Ma vraie passion, c'est la peinture. Oh, alors je te fournirai les meilleurs tubes de peinture du monde. Et tu peindras autant qu'il te plaira. Ce serait mon rêve qui deviendrait réalité. Et... une dernière chose. S'il te plaît, accepte que tes tantes restent au palais. Elles ont travaillé dur depuis très longtemps. Elles méritent une vie en paix et du repos maintenant. Édouard, tu es vraiment un homme extraordinairement bon et gentil. Et c'est comme ça que Nora n'eut plus jamais à toucher un rouet de sa vie. Elle put se mettre à peindre autant qu'elle l'avait toujours voulu. Et les 3 Tisserand s'installèrent au palais aux côtés de la famille royale. Prince Édouard et Nora vécurent heureux pour toujours.